gloire à Jésus. Kolala kolamuka ezali habitude te. Soki olali olamuki ezali miracle na Nzambe. Soki ozwakango ke ezali habitude, banda lelo yebake olamukaka par miracle. Color.